Allô Didi, ça va? C'est maman. Je sais que tu es beaucoup au studio en ce moment. Essaie de te reposer de temps en temps. Sois sage. Zamba batelayo. Combien de fois je suis tombé, on tendu la main pour me filmer. Cette vie-là, moi je la voulais, sans savoir ce qu'elle valait. Maman me dit faut pardonner. Je repense aux nuits où j'ai prié pour mes peines à l'est. Je rêve que mon cœur se vide et que mes poches soient pleines. Qui me fera donc du bonheur sans les intérêts? Si le temps me rappelle mes mélodies restent. Je te connais, mens-moi doucement. Je te connais.